Viens avec moi, chérie, chérie. Voir si là-bas, quelquefois, le soleil brille. Viens avec moi, chérie, chérie. Voir si des fois, dans nos yeux, quelque chose brille. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle heure est-il? J'ai oublié tout ça dans l'automobile. Viens avec moi dans la prairie. On trouvera la paix ou le paradis. Allez, viens, on y va. On va voir du soleil. Si on a toute la vie, on verra dans le ciel. Alors viens, on y va. On va voir du soleil. Si on a toute la nuit, on verra dans le ciel. Viens avec moi, chérie, chérie. Voir si des fois, quelque part, quelque chose brille. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle heure est-il? J'ai oublié tout ça et la grenadine. Viens avec moi et boire le vin qui coule dehors dans les villes. Alors viens, on y va. On va boire du soleil. Si on a toute la vie, on boira dans nos verres. Allez, viens, on y va. On va boire du soleil. Si on a toute la nuit, on boira ce qu'on aime. Oh, oh, oh, oh, on s'en fout, on s'en fuit. Quelque part, quelque chose brille. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle heure est-il? J'ai oublié tout ça et la carabine. Viens avec moi chasser la nuit jusqu'au petit matin si on a envie. Allez, viens, on y va. On va prendre le soleil. C'est le jour et la nuit, c'est la terre et le ciel. Alors viens avec moi, on va prendre le soleil. Si on a toute la nuit, on chassera nos peines. Allez, viens, on y va, on va voir le soleil. Si on a toute la vie, on verra dans le ciel. Allez, viens, on y va, on va prendre le soleil. C'est le jour et la nuit, c'est la terre et le ciel. Oh, oh, oh, on s'en fout, on se suit. Oh, oh, oh, chérie, chérie. Oh, oh, oh, on s'en fout, on s'en suit. Viens avec moi. Oh, oh, oh, allez, viens, on y va. On va voir le soleil. On a toute la vie, on verra dans le ciel. Alors viens avec moi, on va voir du soleil. Si on a toute la nuit,